Chapitre 3. Abandonné sans secours sur le sommet désert d'un mont, étroitement serré et emmailloté, exposé nuit et jour à la rigueur des intempéries, le diable se trouvait dans la situation la plus critique et la plus humiliante où fût jamais tombée une puissance déchue. Il pestait, maugréait, enrageait, pleurait, grinçait des dents, gémissait, se désespérait, séchait d'ennui, crevait de dépit, suffoquait de colère et de honte, et ne se soulageait un peu qu'en maudissant mille et mille fois toute l'engeance des filles d'Ève. Toutes les Normandes de Normandie, et en premier lieu la mère Rabajoie, ce monstre, cette harpie, qui avait si indignement abusé de sa confiance et violé dans sa personne les droits sacrés de l'hospitalité. À l'aversion profonde qu'elle lui inspirait, se joignait maintenant, tout diable qu'il était, une frayeur extrême. La terrible volée de bois sec dont elle l'avait régalé lui cuisait sur tout le corps, et il tremblait qu'elle ne revînt lui en servir une autre, c'est le lac de bois vert, très abondant en ces parages, pour qu'il pût faire la comparaison et juger de la différence. Mais elle s'en abstint par générosité naturelle et par grandeur d'âme. Quoiqu'elle affichât en toute occasion la haine et le mépris des hommes, la mère Rabajoie leur avait rendu, sans le vouloir, un inappréciable service, en les délivrant de leur plus cruel ennemi, de celui qui fut, dès le principe, l'auteur de tout mal, le tentateur des faibles, le corrupteur des bons, le grand semeur de zizanie, le fauteur des passions et des vices, l'instigateur des méfaits, le boutefeu des séditions et des guerres. Aussi, dès qu'il eut été réduit à l'impuissance et éloigné du théâtre de ses hauts faits, vit-on se produire dans les idées, les sentiments et les mœurs, une transformation si générale et si merveilleuse qu'il semblait qu'on retournât vers l'âge d'or. On eût dit le coup de baguette d'une bonne fée venant détruire l'œuvre perverse d'un mauvais génie. Les hommes cessèrent tout à coup d'être intempérants, dissipés et joueurs, les femmes d'être légères, médisantes et coquettes. L'union régna dans les familles, les hameaux, les cités. La fidélité conjugale, la pureté des mœurs, le respect pour les parents, le désintéressement, la bonne foi, la probité ne furent plus de 20 mots. Les différences s'arrangèrent à l'amiable. Et même en Basse-Normandie, terre promise des gratte-papiers et des plaideurs, on n'entendit plus parler de procès. Les juges oisifs bâillaient d'ennui, comme s'ils eussent été encore sur leur siège. Les avocats condamnés au silence se firent chartreux, et tous les suppôts de la chicane accomplirent des œuvres pies en expiation de leurs péchés. Plus de crimes, de vols, de guet-apens, de brigandage des gens de guerre, de tyrannie féodale, de révolte de serfs poussés à bout. Tout au plus, de loin en loin, quelques larcins commis par inadvertance ou quelques coups portés dans les ténèbres sans intention de nuire. À Domfront, ville de malheur pour ceux qu'on menait pendre, car on leur accordait à peine une heure pour se lester l'estomac avant d'entreprendre le grand voyage, à Domfront, dis-je, la potence devint un ornement inutile, et les corbeaux, les clochers et les tours y cherchèrent vainement leur pâture accoutumée. Le bourreau de Domfront, dont j'ai oublié le nom, était un homme doux, serviable, de joyeuse humeur et ami de la plaisanterie. Il se disait maître de danse, parce qu'il apprenait à ses clients à danser sous la corde dans la perfection. Il prétendait que sa potence l'emportait sur tous les pommiers et poiriers du bocage, parce que ceux-ci ne donnaient des fruits qu'en automne, tandis que l'arbre de justice emportait de très mûrs en toute saison. Quand la besogne lui fit complètement défaut, ce brave homme perdit sa gaieté et tomba dans la plus noire mélancolie. Il eût pu vivre honnêtement du métier de rebouteux, où il était très habile, mais il aimait passionnément son art. Il regrettait ses chers pendus, et son désespoir fut tel qu'il se pendit lui-même. De même que les pendards manquèrent au gibet, de même aussi les prétextes de guerre manquèrent à l'ambition des princes. Il soufflait de toutes parts comme une brise tiède de pacification et de concorde. Les épées rentrèrent au fourreau, et les mains des armées s'unirent dans une fraternelle étreinte. Les conquérants cessèrent de ravager et d'ensanglanter la terre, et la terre cessa de célébrer les exploits et la gloire des conquérants. Plus de tueries héroïques, de villes réduites en cendres, de troupeaux humains emmenés en servitude, plus de soldatesques effrénées se ruant comme une horde de démons sur les populations inoffensives. On fut alors témoin d'un événement unique dans l'histoire, le règne trop court, hélas, de la paix universelle. Ce beau rêve, qui ne prit corps que cette fois-là, a été depuis le thème de bien des discours, le sujet de bien des discussions, et il s'est trouvé récemment des esprits généreux et candides pour tenter d'en faire une réalité. Rien assurément n'est plus digne d'encouragement et d'éloge, mais tout en rendant hommage aux efforts et aux intentions de ces philanthropes émérites, je me permettrai de leur dire qu'ils n'atteindront jamais leur but par les moyens dérisoires et puérils qu'ils préconisent. Il n'y a, d'après mes faibles lumières, qu'un moyen pratique et sûr d'y parvenir. C'est celui qui fut imaginé par la mère Rabat-Joie et qu'elle sut appliquer avec autant d'à-propos que de succès. Le diable étant, en effet, l'éternel perturbateur de la paix entre les hommes, il importe avant tout, si l'on veut obtenir une paix durable, de le mettre dans l'impossibilité de la troubler. Je conseillerais donc aux vénérables apôtres de la paix universelle et perpétuelle, au lieu de s'attarder à des minuties, d'aborder la difficulté de front, de prendre le diable par les cornes, de le fourrer dans un sac et de l'y tenir dans une rigoureuse captivité. Mais surtout qu'il veille à ne pas le laisser échapper, car il recommencerait à faire des siennes et ce serait peut-être pis qu'auparavant. L'heureuse métamorphose qui s'était opérée dans les conditions morales de l'humanité ne pouvait manquer de causer un juste étonnement et de mettre en éveil la curiosité publique. Tout le monde, en effet, fut frappé d'un changement si subit et si en dehors du cours naturel des choses, et chacun à l'envi tendait son esprit et aiguisait ses facultés pour tâcher de pénétrer la cause de ce phénomène psychologique. Mais ce fut en vain. On eut beau hasarder des conjectures, former des hypothèses, on ne trouva aucune solution satisfaisante, et il fallut jeter sa langue au chien. Afin de sortir d'embarras, on alla consulter les sophistes, gens très ferrés sur la métaphysique, et qui dissertaient à ravir sur les effets et les causes. Les sophistes pérorèrent 12 heures de suite sans reprendre haleine, parlèrent grec, latin et bon normand, argumentèrent en dari, en barocco, en baralipton, remuèrent une montagne de textes, citèrent Aristote, Platon, Averroès, Tertullien, Moïse, Hésiode, David et la Sibylle, l'Écriture et les Pères, la Loi et les Prophètes. Pour finir, car tout a une fin, même les divagations d'un sophiste, ils fournirent des explications tellement obscures, confuses, embrouillées, enchevêtrées, biscornues, stupéfiantes et abracadabrantes, que les auditeurs se sauvèrent, à moitié idiots, en se bouchant les oreilles. Il fut déclaré par sentence rendue dans les formes que les sophistes étaient des ânes battés, bons à porter les sacs au moulin, et qu'ils recevraient chacun une botte de foin à titre d'honoraire. Après quoi l'on décida de s'adresser aux sorcières, personnes tenues en très haute considération, car elles passaient aux yeux du vulgaire pour savoir beaucoup plus que les sophistes, et un peu moins que le diable, qui avait été leur maître d'école. Les sorcières, s'étant fait payer d'avance en bonne monnaie et en cours, se mettent vivement à la besogne. Elles rôtissent force balai, éventrent force crapaud, vont cueillir au clair de lune des herbes mystérieuses et des eaux de mort, dont elles composent une étrange salade, marmottent des paroles cabalistiques et célèbrent des cérémonies bizarres, pour lesquelles elles se font livrer une quantité fabuleuse de poules noires, qu'elles mangent de fort bon appétit. Malheureusement pour ces filles d'enfer, elles avaient compté sur le diable pour les inspirer et leur dicter une réponse, et le diable étant empêché, comme on sait, elles ne firent que balbutier, bredouiller, annonner, bafouiller, et restèrent honteusement à court. Convaincues de supercherie, de mensonges et d'imposture, elles furent rudement fessées, mais on leur fit grâce du fagot, ce qui était un signe non équivoque de l'adoucissement des mœurs. Après ce double échec, on fit partir des messagers pour aller interroger un vieil astrologue qui habitait près de Tinchebray, une vieille tour en ruine, en compagnie des chats-huants et des chauves-souris. C'était l'homme le plus savant de ce temps-là, et sa réputation était européenne, car elle s'étendait jusqu'à Falaise. L'astrologue, ayant caressé sa longue barbe blanche, commence par observer longuement les espaces célestes. Il se plonge dans de longs calculs, trace des figures avec un long compas, et déclare d'un ton d'oracle que le phénomène sur lequel on l'interroge est dû à l'influence des astres, et qu'il a pour cause première une conjonction favorable de je ne sais quelle planète. Cette réponse est pour les messagers comme un trait de lumière. Ils demeurent en extase devant une science si profonde. Puis chacun s'en va répétant « Il a raison, ce doit être l'influence des astres. C'est certainement l'influence des astres. » Et bientôt, de tout compter, on n'entend que ces mots « C'est l'influence des astres. » Pauvres gens qui, ayant le malheur de vivre à une époque d'ignorance et de barbarie, attribuaient aux astres une prétendue influence sur les choses d'ici-bas, et allaient chercher très loin, au plus haut de la voûte des cieux, la raison d'un phénomène dont la cause était là, tout près d'eux, sans qu'ils eussent l'air de s'en douter. La mère rabat-joie dut bien rire en entendant vanter l'influence des astres, elle qui savait de quoi il retournait, et qui eût pu, dès le premier jour, déchiffrer l'énigme mieux que tous les sophistes, toutes les sorcières et tous les astrologues. Mais elle était trop madrée pour en souffler mot, craignant non sans sujet que quelque curieux mal avisé ne vint rendre la liberté au vilain oiseau qu'elle avait tant d'intérêt à garder en cage. L'oiseau finit pourtant par en sortir, ou plutôt il en fut tiré, dans des circonstances peu ordinaires, par un personnage que je dois d'abord présenter au lecteur. Il se nommait le chevalier sans sou ni maille. C'est ainsi du moins que le désigne l'anonyme, lequel ne fait pas difficulté d'avouer que ce n'était là qu'un sobriquet ou nom de guerre donné au chevalier par ses compagnons de débauche ou de combat. Quant au vrai nom et au vrai titre, il refuse de les faire connaître, par des motifs respectables de prudence et par égard pour la famille, qui était l'une des plus puissantes de la noblesse normande. Le chevalier sans sou ni maille était un terrible sire, un colosse pour la taille, un Samson pour la force, et son aspect était si truculent qu'à l'exemple de certains Gascons de Gascogne, il ne pouvait se regarder dans un miroir sans se faire peur à lui-même. Il ne fut pas toujours sans sou ni maille. Il avait été au contraire extrêmement opulent. Mais si grande que fût sa fortune, ses passions et ses appétits étaient plus grands encore, et l'entraînèrent à toutes sortes d'excès, de prodigalité et de désordre. Le vin, le jeu et les filles étaient la seule trinité à qui il rendit assidûment hommage. Il mangeait son blé en herbe, ses bois jusqu'à la racine, ses villages morceau par morceau, et dissipait en quelques semaines le revenu d'une année. Il existait alors en Normandie un vieux proverbe à l'usage de la bourgeoisie et des petites gens, lequel disait « qui paie ses dettes s'enrichit ». Le chevalier, en avance sur son temps de plusieurs siècles, y avait introduit une très légère variante. Il lui fit dire « qui s'endette s'enrichit ». C'était presque la même chose, mais c'était tout le contraire. Je sais fort bien que la maxime « qui s'endette s'enrichit », malgré son air absurde et paradoxal, forme aujourd'hui la base du système économique des nations civilisées. Toutes la mettent en pratique, empruntant à outrance afin de s'enrichir sans mesure, et l'on en voit qui, chargé d'une dette écrasante, marche aussi allègrement que le géant Atlas, lorsqu'il portait la terre sur ses robustes épaules. Seulement, gare à ne pas broncher, car toute chute serait mortelle. Ce système, excellent pour les nations, parce qu'elles ont les reins solides et des grâces d'État qui leur sont spéciales, ne vaut absolument rien pour un particulier, fût-il baron ou duc, et notre imprudent chevalier ne tarda pas à en faire la triste expérience. Il n'eut pas de peine à trouver des prêteurs, car s'il n'existait pas encore des banquiers israélites, il y avait à foison des usuriers juifs, gens fort expéditifs, à plumer tout volatile qui s'abattait à portée de leurs mains rapaces. Il put donc s'endetter à son aise. Mais, chose surprenante, il n'en devenait pas plus riche. Bien au contraire, il s'appauvrissait de plus en plus, laissant chaque jour quelques plumes, grosses ou petites, aux doigts crochus des fils d'Abraham. C'était un champ, un pré, un moulin, un coin de forêt, une métairie, ou quelque autre lambeau de ses vastes domaines. À dire vrai, il n'y songeait guère, et ne s'en inquiétait pas, tellement il était occupé à mener un train d'enfer et une vie bruyante et folle, tant il était absorbé par les plaisirs et les fêtes, par les parties de chasse, le jeu et les orgies. Enfin vint le moment fatal, où tout le reste ayant été dévoré, il lui fallut aliéner le dernier débris de son opulence, le château de ses nobles ancêtres, qui durent tressaillir d'horreur dans la tombe. Il se trouvait désormais entièrement ruiné, dépouillé, mis à nu, et cet aigle féodal, naguère effroi des campagnes, présenta l'aspect lamentable d'un grand oiseau déplumé, à qui il ne restait qu'un bec énorme et des serres démesurées. Becker ne demandait qu'à s'enfoncer dans une proie vivante, et le chevalier résolut de se servir de ses armes redoutables pour regagner sur les chrétiens ce que lui avaient pris les juifs. Sentant renaître en lui les instincts belliqueux de sa race, il recrute une bande d'aventuriers, de malandrins et de désespérés. Tout ce genre de sacs et de cordes, disposés à devenir des héros, se met à leur tête et dit adieu à son ingrate patrie et s'en va au loin offrir ses services aux rois et aux princes engagés dans des guerres. Aux combats et aux assauts, il déploie une bravoure extraordinaire. Toujours le premier à l'attaque, toujours le premier sur la crête du mur assailli. Le chevalier et sa troupe passent comme une trombe à travers la bataille, renversant tout ce qui leur résiste et jonchant le sol de morts et de mourants. Après la victoire, le butin. Malheur aux populations qui se trouvent sur le passage de la bande infernale. Elles ne respectent rien, ne connaissent ni amis ni ennemis, mais tout à feu et à sang. Violent, dévastent, massacrent, emportent ce qu'elle peut et détruit le reste. La terre sur ses pas se change en désert. Cependant, contre toute attente, l'heure de la pacification générale a sonné. Il faut, la rage au cœur, s'arracher à la curée, renoncer aux combats et aux conquêtes, plier bagages et reprendre le chemin oublié de ses foyers. C'est ce que fait le chevalier, qui, parti pauvre pour la guerre, revenait aussi pauvre qu'il était parti, et ce n'était pas, croyez-le bien, faute d'avoir volé, pillé et saccagé, autant et plus que n'importe quel chef de bande, mais parce que l'or se fondait comme la neige entre ses mains prodigues. Voyageant à pied, car il s'était vu réduit à vendre son cheval, il se dirige vers le pays de Tinchebray, où il espérait trouver un asile, et arrive un beau matin au pied du mont de Sérisy, qui, dressant sa masse sombre, lui barrait audacieusement la route. Tout autre l'eût contourné, en prenant à droite ou à gauche, mais le fougueux chevalier abhorrait les détours, ne reculait devant rien et s'irritait contre tout ce qui lui faisait obstacle. Il crie au mont de se ranger. « Le mont ne bouge pas !» Eh bien, qu'à cela ne tienne, il lui passera sur le corps et lui fera sentir la vigueur de son bras. Il en a bien vu d'autres. Et le voilà qui se précipite sur le mont, furieux et le fer levé. Les fourrés impénétrables qui en hérissent les flancs ne lui opposent qu'une fragile barrière. Que pourrait-il contre un preux habitué à traverser les forêts de lances et de piques? Il se jette au plus épais, s'ouvre un chemin à grands coups d'épée qui retentit jusqu'au fond de la gorge où roule le Nuarot. Et luttant victorieusement contre cette nature rebelle, il avance, monte, grimpe, gravit et atteint enfin le sommet, où ses regards tombent sur un objet informe qui remue et qui geint. Il s'arrête stupéfait. « Quelle est cette bête-là » se demande-t-il, et se penchant à terre, il reconnaît un sac soigneusement ficelé et quelque chose dedans qui s'agite, et fait effort pour sortir. Il essaie d'entrouvrir le sac, mais une vapeur méphitique qui s'en échappe manque de le renverser, et il le referme aussitôt. « Quelle est cette bête puante et nauséabonde ?» se demande-t-il de rechef. « Ô prodige ! La bête se met à parler d'une voix dolente et faible, comme celle d'un moribond. « Brave chevalier !» murmure la voix. « Je t'en conjure par tout ce que tu as de plus cher sur la terre et en enfer. Ouvre, ouvre vite ce sac, ou j'étouffe. Rends-moi la liberté, et je te récompenserai dignement. » « Par les cornes de Belzébuth !» s'écrie le chevalier. « Ta voix est celle d'un chrétien. » « Mais tu ne l'es pas, je le jurerais, car un chrétien eût crevé dans une si étroite prison. Tu es certainement le diable, et je suis ravi de faire ta connaissance. Mais dis-moi, tison d'enfer, par quel hasard es-tu ici à faire pénitence, comme un anachorète, au lieu d'être à courir le monde, en semant la discorde et en nous taillant de la besogne à nous autres gens de guerre et de proie? Qui t'a fourré dans ce sac ?»« Une femme, » répond le captif, « presque une belle-mère, car j'étais sur le point de lui donner un nom si doux. Cette créature infâme m'a tendu un guet-apens et m'a apporté garrotté dans cette solitude. Mais ouvre, ouvre vite, guerrier magnanime, car j'étouffe. » Le guerrier magnanime, que cette aventure réjouissait fort, se livre à un accès de fou rire que le diable ne partage pas. « Ah, tu t'es frotté aux femmes, lui dit-il, il t'en a cuit, et c'est bien fait. Ne savais-tu donc pas, imbécile, qu'une femme a plus de malice qu'un démon? Et tu voulais même te marier, comme si tes cornes n'étaient pas assez longues. « Allons, je vais avoir pitié de toi et te tirer de ce mauvais pas, car tu as été diablement naïf. Et d'ailleurs, il est écrit qu'il faut secourir ses semblables. » Et pendant que d'une main il se bouche les narines, de l'autre il coupe les cordes et ouvre le sac. Le diable en émerge lentement, engourdi, perclus et flanqué, amincie, fluet, desséché, ridé, momifié, tanné, ratatiné, et semblable à une de ces longues andouilles qui pendent noires de suie aux vastes cheminées du bocage. Il aspire l'air avec délice, s'étire, s'allonge, se secoue, et tâche de dégourdir ses membres martyrisés. Sa force et son agilité reviennent par degrés. Il hasarde un pas, puis plusieurs autres, essaie une cabriole, et s'apprête à prendre son vol. Mais il ne peut aller loin. Le chevalet, qui avait son idée, l'avait saisi par la queue qu'il serrait fortement. « Tout doux, camarade, tout doux, lui dit-il, ne sois pas si pressé. On dirait que tu as le feu au derrière, toi qui le mets aux autres. J'ai infiniment du plaisir dans ta compagnie, et l'on gagne du reste à fréquenter les personnes de ta condition, puisqu'elles ne sentent pas la rose. Avant de me priver de ta société, je dois t'adresser une prière, que je n'en doute pas, tu t'empresseras d'exaucer. Fais vite et lâche-moi, j'ai hâte d'aller à mes affaires, que j'ai négligées depuis un bon bout de temps. » On me réclame de tous côtés, et le monde soupire après moi. Le monde soupire après toi comme l'agneau après le loup, ou le débiteur traqué et aux abois, après son féroce créancier. Il ne s'apercevra que trop tôt de ton retour. Écoute-moi, voici ce que j'avais à te dire. Tu me dois de la reconnaissance, non pour t'avoir délivré, je ne l'ai pas fait, crois-le bien, pour tes beaux yeux, mais à cause du grand nombre d'âmes que je t'ai envoyées à maintes reprises. Je conviens qu'elles étaient fort laides, car c'étaient des âmes d'aventuriers. Mais je ne pouvais mieux faire, à moins de t'envoyer la mienne, dont tu n'aurais pas voulu. D'autre part, je n'ai pas à t'apprendre que je suis gueux comme le saint homme Job, dont les compatriotes m'ont plumé tout vif, et tu le sais d'autant mieux que je te loge depuis longtemps dans mon escarcelle, et dont je me serais volontiers dispensé. Fais-moi donc la grâce de me prêter sur ma mine une petite somme, qui me permette de redorer mon blason et de satisfaire mes goûts, qui, je t'en préviens, sont immodérés et insatiables. J'ai dit. « Fort bien, lâche-moi, et je t'apporterai tout l'argent que tu pourras désirer. »« Néni, néni, nous sommes normands en Normandie, je veux dire méfiants et soupçonneux. Nous pratiquons le sage proverbe, mieux vaut tenir que courir. Et puisque je te tiens par le bon endroit, et que je n'ai pas envie de courir après toi, ce qui serait courir après le vent, je ne te lâcherai que quand tu auras lâché la petite somme que j'implore de ta générosité. Mais que veux-tu que je te donne, bourreau ? Tu le vois, je n'ai rien. » J'ai eu des malheurs, j'ai éprouvé de grosses pertes d'argent. Le percement du Panama infernal a percé et vidé ma bourse, et elle est restée aussi plate que si tous les juifs de l'enfer y avaient passé. Regarde-moi, ai-je l'air d'un Crésus ? Je ne suis qu'un pauvre diable sans sou ni maille, comme toi. À d'autres avec tes jérémiades, faux indigents, je n'en croirais pas un traître mot, car tu es le père du mensonge, et tu mens par la gorge comme un chevalier félon. Tu dois avoir un magot quelque part, et tant que tu ne l'auras pas déposé tout entier entre mes mains loyales, je m'attacherai à ta queue et ne te lâcherai pas d'une semelle. » Le dialogue se poursuit sur ce ton et menace de s'éterniser. L'un exige avec arrogance, l'autre refuse avec opiniâtreté. C'est à qui n'en demandera pas, à qui montrera plus d'obstination. Jamais breton bretonnant ou mulet d'Auvergne ne fit preuve d'un entêtement pareil. Las enfin de piétiner sur place, ils se mettent en route sans but déterminé, le diable faisant des efforts inouïs pour se dégager, et le chevalier lui marchant sur les talons, la queue du prisonnier serrée dans sa main comme dans un étau, et lui caressant de temps à autre l'échine à coups de plat d'épée, qui seul avait le don de le ramener au calme convenable à sa situation. Le chevalier avait un poignet de fer. Il eût arrêté instantanément une meule de moulin ou un attelage de 6 chevaux. Et d'ailleurs, rien ne double les forces et l'énergie d'un homme, comme le manque d'argent, et le besoin impérieux de s'en procurer. Le diable ne put jamais lui faire lâcher prise, et il fallait que sa queue fût solide comme un câble, pour ne s'être pas rompue 10 fois sous les violentes secousses qu'elle eut à supporter. Tous deux errent aussi longtemps à l'aventure. Ils vont en amont, en aval, à droite, à gauche, en avant, en arrière, décrivent des courbes et des zigzags, franchissent des rivières, traversent les hameaux et les bourgs, tandis que les bons villageois se mettent curieusement aux portes ou interrompent leurs travaux champêtres et regardent passer, tout ébahi, le prince des ténèbres respectueusement suivi de son fidèle caudataire. Si l'on s'en rapporte à la tradition, c'est pendant cette pérégrination fantastique que le malin esprit creusa par vengeance et malice les innombrables fossés qui, dans ce pays-là, usurpaient le nom de chemin et qui, fangeux en toute saison et presque impraticable, ont fait d'années, durant des siècles, charretiers et piétons. Quoiqu'il fût parti avec la ferme volonté de ne pas céder, le diable éprouva en route divers accidents qui ébranlèrent sérieusement sa résolution. À Landigou, il faillit se casser le cou. À Landissac, il perdit son bissac. À la lande patrie, il le retrouvit. À Clairefougère, il chut sur le derrière. À Crasménil, il chut sur le nombril. À Mille-Savate, il s'écorchit les pattes. À Sainte-Honorine, il faisait piteuse mine. À Échaloux, il était à bout. Enfin, à Moncy, il cria merci. Il était temps, car la queue, si dure, fibreuse et coriace qu'elle fût, menaçait de se détacher, à force d'être secouée et tiraillée en tous sens. Et que serait devenu son prestige s'il avait eu le malheur de la perdre? Se figure-t-on un diable sans queue? On l'eût partout montré du doigt. Il eût été honni, déshonoré, exclu de la bonne société, livré à la risée publique, et il n'aurait eu d'autre ressource que d'abdiquer et de se faire ermite, quoiqu'il se sentît encore trop jeune pour cela. Il se résigna donc, fit taire son orgueil ulcéré, se rendit à discrétion, et toujours tenu en laisse, conduisit son acharné persécuteur à une carrière abandonnée du mont Crespin, entre Flers et Tinchebray, où, dans une excavation habilement dissimulée, il lui montra un trésor qui eût fait la fortune d'un monarque. C'était sa cassette particulière. C'est là qu'il puisait, quand pour faire réussir un plan, il avait besoin de corrompre, de suborner et de séduire. Ce trésor provenait d'un juif de Germanie, qui avait été son ami intime, et dont il favorisa les opérations véreuses jusqu'au jour où, le trouvant riche à point, il lui tordit le cou et s'appropria son bien. Le chevalier fut ébloui à la vue de tant d'or, mais il fut surtout enchanté d'en connaître l'origine et de pouvoir prendre sa revanche sur la race papelarde et pillarde qui l'avait détroussé. Pour témoigner sa reconnaissance au diable, il lui applique plusieurs coups de pied bien pointus sur la double proéminence postérieure, puis il le lâche. L'autre, sans demander son reste, ne fait qu'un bond jusqu'aux frontières de son empire. Mais il n'y rentre pas en triomphateur, comme il s'en était flatté, lorsqu'il espérait y emporter une sainte tout en vie. Berné et battu par la mère Rabajoie, battu et dévalisé par le chevalier sans sou ni maille, il s'y glisse tout penaud, l'oreille basse et la queue entre les jambes, et s'en va soigner son royal appendice meurtri et disloqué, ce qui donne encore quelques répits aux humains. Son retour de Le Monde fut signalé par un coup d'État, qui mit fin au règne éphémère du bien et restera l'empire antique du mal. Le vice reparut, les instincts pervers se réveillèrent, l'ambition gronda de nouveau, et la discorde ralluma ses torches. Les désordres, les révolutions et les guerres reprirent de plus belle et se déchaînèrent avec une fureur croissante. Ces fléaux n'ont cessé depuis lors de désoler la terre, et ils ne disparaîtront que le jour très éloigné, je pense, où les apôtres de la paix universelle auront trouvé le secret de nous ramener l'universelle concorde, qui fait universellement défaut dans ce pauvre univers. Le chevalier se disposait à recommencer sa vie de scandale, lorsqu'il fut tout à coup éclairé par un rayon de la grâce divine. Il se convertit et renonça à la voie de perdition pour entrer dans celle de la pénitence et du salut. Les prières d'une sainte, qui du haut du ciel veillait sur ceux qui, même par des moyens peu corrects, combattaient l'esprit des ténèbres, contribuèrent beaucoup à cette conversion, qui fit grand bruit dans toute la chrétienté et fut mise au nombre des miracles. Devenu aussi humble et doux qu'il avait été orgueilleux et violent, il prit l'habit religieux dans l'abbaye de Belle Étoile, consacrant à de bonnes œuvres et purifiant par ce pieux emploi le trésor qu'il avait extorqué au diable et qu'il n'eut garde de lui restituer. Il fit d'importantes donations à cette abbaye et de riches présents au monastère du Mont-Saint-Michel. Il bâtit des églises, créa des léproseries et des hospices, racheta des captifs et fonda sur le mont de Sérisy un ermitage en commémoration de la victoire qu'il avait remportée sur Satan et qui fut la dernière et la plus éclatante de ses victoires terrestres. Il mourut comme un saint, après avoir longtemps vécu comme un damné. Si les prières de Mariette furent assez puissantes pour obtenir la conversion du chevalier, elles n'eurent pas le même effet sur sa mère, dont la méchanceté, défiant la grâce et les miracles, augmentait à mesure qu'elle avançait en âge, et qui, de diablesse aux trois quarts, devint diablesse tout à fait. Aussi, lorsqu'elle délivra le monde de sa présence, s'en alla-t-elle tout droit vers l'enfer, seul endroit digne de lui offrir un gîte. Mais Satan, instruit de son approche, fut saisi d'une telle épouvante qu'il fit fermer et barrer à la hâte toutes les portes de l'infernal séjour. La mère au rabat-joie se trouva dans le plus grave embarras. Aller au ciel, il n'y fallait pas songer. Elle en eût fait un enfer. Et d'ailleurs, le portier Saint-Pierre lui en interdisait sévèrement le seuil. Retourner sur la terre, cela présentait des difficultés. Elle prit donc le seul parti qui restât à prendre, elle se réfugia dans le purgatoire. La façon dont le chevalier, sans sou ni maille, gagna un trésor en s'attachant à la queue du diable, fut d'un exemple pernicieux, car elle suscita et suscite encore une foule d'imitateurs. Tous les besogneux, les gens criblés de dettes, les commerçants dans la détresse, les spéculateurs ruinés, les joueurs malheureux, les auteurs crottés, les viveurs sans le sou, les ménages dans la gêne, tous ceux en amour qui tourmentent le mal d'argent, et ils se nomment Légion, se sont accrochés désespérément à cette queue mirifique, dans la persuasion qu'elle les tirerait de misère et les mènerait à la fortune. Aucun n'a découvert le moindre trésor. Tous, au contraire, ont peiné comme des galériens, sués à années, reçus force rouade et coups de corne. Mais en dépit des déceptions et des déconvenues, ils y reviennent sans cesse comme les mouches au gâteau de miel. Tellement est puissant et tenace l'espoir de trouver de l'argent chez eux qui en sont dépourvus. Et maintenant, comme à toute histoire, conte ou légende, il faut une moralité. J'énoncerai la mienne, sous la forme d'un conseil amical, à l'adresse de ceux qui auront eu la bonté de me lire et la patience d'aller jusqu'au bout. Soyez, leur disais-je, économes, sobres et prévenants. Ménagez vos ressources, mesurez vos dépenses à vos moyens. Ne cédez pas aux entraînements du jeu. Fuyez les cafés, brasseries, estaminets et autres lieux de dissipation et de beuverie, où s'engloutit tant d'argent péniblement gagné. Tenez-vous en garde contre les coupeurs de bourse qui vous guettent au coin d'une réclame alléchante ou d'un prospectus insidieux. Ne risquez pas votre faible nacelle sur cette mer perfide de l'âme finance, toute peuplée d'écueils, de requins et de forbans. Ne souffrez pas que vos filles se compromettent votre fortune par leur folie, que vos femmes et vos filles vous ruinent en parures frivoles et en toilettes extravagantes. Faites enfin tout au monde pour ne pas être réduit à la tâche ingrate, fatigante et écœurante, et en somme inutile, de tirer le diable par la queue.